vient d'entrer ce vieux monsieur, sa canne blanche entre les mains, marchant lentement, plié en deux, ses pauvres mains sans ses deux yeux, et il s'avance vers le comptoir, traînant le pas, et avec peine, blotti dans son grand imper noir, il veut boire un petit café crème, son sac plastique autour du bras, elle garde son billet à la main, telle une statue qu'on n'oublie pas, son nez se colle le long du zin. Il tire la tasse, boit une gorgée, maintient son geste pour savourer, muet et immobile quand ça parle, ça bouge au restaurant. Son sac plastique autour du bras, il pose son billet sur le comptoir, lève légèrement le bout des doigts, et d'une petite voix il dit au revoir, puis il s'en va comme il est venu, plié en deux, le bras tendu, touchant les meubles, touchant les murs, pour regagner le soir obscur. Il s'éloigne le long du trottoir, attirant sur lui tous les regards de passants émus ou amusés par ce petit vieux qui disparaît. Il vient de partir, ce vieux monsieur, sa canne blanche entre les mains, marchant lentement, plié en deux, s'est éloigné de mon chemin.